Vasco Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal, la dernière édition de cette soirée du 30 mai 2021. Voici tout de suite les grandes articulations. Le gouvernement du Burundi décide de mettre en place une grille salariale harmonisée pour les projets financés de l'extérieur. Vous entendrez les précisions du secrétaire général du gouvernement telles que contenues dans la note présentée au Conseil des ministres par le ministre des Finances en sa qualité d'ordonnateur national. Et l'ambassadeur de la Tanzanie au Burundi affirme que le coronavirus n'est pas un problème pour l'opération de rapatriement des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Ils sont estimés à plus de 85 000 à avoir déjà regagné le Burundi à la date du 17 mai 2020. Et la farine produite par l'entreprise Azam est montée de prix à Rumonge, de quoi susciter des lamentations des consommateurs. Des produits comme le pain et les beignets fabriqués à partir de cette farine. Et en actualité internationale, l'Organisation des Nations Unies reconduit l'embargo sur les armes. Et vous aurez aussi droit à la revue de presse. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Bonsoir. Le ministre burundais des Finances, en tant qu'ordonnateur national, a pris la décision de mettre en place une grille salariale harmonisant les rémunérations et frais de fonctionnement du personnel travaillant dans les projets de développement. Dans un compte rendu au terme du Conseil des ministres tenu ce mercredi, le porte-parole et secrétaire général du gouvernement explique que c'est pour stabiliser le mouvement du personnel au sein de ces projets. Suivez Prosper Naouami. Projet d'ordonnance ministérielle portant harmonisation des rémunérations des gestionnaires et personnels des projets financés par les partenaires techniques et financiers. Dans le cadre de la gestion saine et efficace des projets financés par les partenaires techniques et financiers, et après le constat des disparités au niveau des rémunérations et autres frais de fonctionnement dans ces projets, le ministère en charge des Finances, en sa qualité d'ordonnateur principal de toutes les dépenses de l'État, a décidé de mettre en place une grille harmonisant les rémunérations et autres frais de fonctionnement des gestionnaires des 10 projets. L'objectif est de permettre la stabilisation des mouvements du personnel au sein de ces projets. C'est l'objet de ce projet d'ordonnance. Il convient de souligner que la rémunération du personnel de tous ces projets sera assujettie à l'impôt sur les revenus et cette rémunération sera payée en francs burundais. Par ailleurs, les contrats de travail des coordonnateurs des projets seront contresignés par le ministre en charge des Finances. Les véhicules de ces projets ne doivent être utilisés que pour les déplacements de service. Après les heures de service, tous les véhicules doivent être garés dans les enceintes de ces projets. Prosper Nahorguamie, c'est le secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les réfugiés burundais se trouvant dans les camps en Tanzanie sont estimés à plus de 160 000. Cela est dit par l'ambassadeur de la Tanzanie au Burundi. Djili Elibariki Maleko fait savoir que le camp qui héberge le plus de réfugiés est celui d'Ndouta avec plus de 73 000 réfugiés, suivi par le camp de Nyarugusu avec plus de 57 000 réfugiés. Cette diplomate indique que pour plus de 85 000 réfugiés burundais avaient déjà regagné leur pays natal à la date du 17 mai 2020. Suivez-la, elle est traduite par Mireille Kanyang. D'une manière générale, l'effectif des réfugiés burundais qui étaient dans différents camps de la Tanzanie jusqu'au 17 mai de cette année s'élevait à 164 565. Le camp de Nyarugusu compte 57 626. Le nombre de réfugiés dans le camp d'Onduta s'élève à 73 218, tandis que dans le camp de Mutenderi, l'on enregistre 32 019 Burundais. Jusqu'à cette date si haut indiquée, les Burundais qui avaient regagné le pays se comptent à 85 248. Ceux qui sont en attente de rapatriement sont au nombre de 2273. Ces derniers sont ceux qui sont sur la liste et l'inscription a été volontaire. Nous ne forçons personne, on rentre quand on veut. Ce que je peux ajouter, c'est que nous allons reprendre le processus de rapatriement des réfugiés burundais après qu'il y ait mise en place de nouvelles institutions attendues au mois d'août de cette année. Le travail sera fait par le gouvernement tanzanien en collaboration avec le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR ainsi qu'avec le gouvernement burundais. Notre ambition est de rapatrier tous les Burundais qui sont sur le sol tanzanien car il serait incompréhensible de rester en exil alors que la paix et la sécurité règnent dans le pays. Et au moment où le monde est menacé par la pandémie du Covid-19, cet ambassadeur de la Tanzanie au Burundi déclare que le coronavirus n'est pas un problème pour l'opération de rapatriement des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Écoutez-la encore. En ce moment où la pandémie du Covid-19 sévit dans le monde entier, le travail de rapatriement des réfugiés burundais vivant en Tanzanie n'a pas encore été du tout impacté. Nous isolons durant 3 jours ceux qui sont sur le point d'être rapatriés et un groupe de médecins est à leur disposition pour suivre de près leur état de santé et vérifier s'ils ne présentent pas de symptômes du coronavirus. Après ces 3 jours, ils subissent un test ultime avant d'embarquer pour leur retour au Burundi. Je peux vous affirmer que le coronavirus n'a pas encore eu d'impact sur ce travail de rapatriement et nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour nous assurer qu'aucune personne ne rentre ayant contacté ce virus. De plus, l'État burundais effectue aussi des tests à l'arrivée de ces réfugiés sur le territoire burundais. S'ils détectent un ou des cas suspects, les autorités burundaises ont pris des mesures pour pouvoir faire face aux éventuels malades de cette pandémie. C'était l'ambassadeur Jili Elibariki Maleko de la Tanzanie au Burundi. Les élèves malvoyants et aveugles de la Fondation PEN située au quartier industriel de la zone Gagara, mairie de Bujumbura, disent avoir été sensibilisés à la prévention contre le Covid-19. Certains élèves rencontrés à cet établissement scolaire témoignent que le matériel nécessaire est à leur disposition, affirmation partagée par leurs enseignants. Ces élèves demandent toutefois que les mesures barrières soient renforcées à cet établissement qui abrite plus de d'une cinquantaine d'élèves. On fait le point avec André Miruho, stagiaire à notre station. Ceux qui témoignent avoir été sensibilisés sont certains élèves de la fondation PEN se trouvant dans les quartiers industriels de la zone Gagara. Le matériel pour le lavage des mains est déjà disponible à cet endroit, affirme-t-il. Nous avons commencé à entendre ce qui est du corona quand nous étions encore ici à l'école. On nous l'a expliqué, on a appris que c'est une pandémie qui fait rage au monde. L'Amérique, l'Asie et l'Europe, qui a déjà attaqué l'Afrique, sans épargner le Burundi. Pour ce, on a appris que nous devons prendre des mesures d'hygiène en se lavant les mains tout le temps avec de l'eau propre et au savon, en évitant aussi de se serrer la main et surtout en respectant la distanciation sociale. Et même la distanciation sociale est respectée en classe, ce qui ne cause aucun problème, comme nous l'explique Gilles Remezo, l'un des enseignants de ces élèves vivant avec le handicap. La mesure de distanciation sociale qui consiste à ce que chaque personne garde une distance d'au moins un mètre entre lui et son interlocuteur. Donc c'est ce que vous voyez ici, nous sommes en classe, vous voyez qu'entre un élève et un élève est derrière, un autre est devant, il doit y avoir au moins un mètre. Ce qui n'est pas le cas, au dortoir où ils doivent s'entraider en se touchant, il y en a même ceux qui partagent le même lit, comme l'explique Eleazar Ziherambere, le coordinateur de ce centre. La distanciation sociale, c'est difficile de respecter ça quand on ne voit pas, surtout quand on dépend de l'autre, parce que chacun dépend de l'autre. Alors, cette distanciation sociale est très difficile. C'est pour cela que donc, nous pensons que nous, comme les enfants, restent ici à l'internat. Ils ne nous posent pas de problème. Mais ce qui nous pose des problèmes, ce sont nous-mêmes qui restons à l'extérieur. Par exemple, les enseignants, les professeurs, là, qui restent à l'extérieur, nous avons donc opté pour travailler avec nous-mêmes, pour nous super sensibiliser. Parce que, comme je l'ai dit, c'est nous-mêmes qui pouvons contaminer ces enfants, ce ne sont pas eux qui peuvent nous contaminer. Donc nous voulons garder leur lieu ici. Ça. À côté de ces aveugles hébergés par la Fondation PEN, il y a aussi des sous-miwe de l'école Efata, se trouvant dans le quartier Gasenyi de la zone Gihosha au nord-est de la capitale économique de Bujumbura, qui héberge à son tour 124 enfants. Cela, comme nous l'a expliqué Zabolon Guruziza, le représentant de cet établissement, le choix a été que ceux qui étaient externes auparavant regagnent l'internat comme mesure préventive contre le Covid-19. Éducation toujours, les préparatifs au concours national donnant accès à l'école post-fondamentale vont bon train dans la province Makamba à moins de 2 semaines de sa passation. C'est une affirmation de certains élèves contactés et les chargés de l'éducation dans cette province. Toutefois, ce dernier déplore que les programmes de certains cours ne sont pas encore terminés à être dispensés à certaines écoles. Semeni Maye lance un appel vivant aux candidats à ce concours national de continuer à bien se préparer afin de réussir. Et surtout, d'éviter la tricherie lors de la passation et aux enseignants de rester près de leurs élèves. Jérôme Akizimana. C'est l'un des élèves de la 9e année fondamentale rencontré à l'école La Confiance dans la ville de Makamba en pleine préparation au concours national à moins de 2 semaines de sa passation. Lui, comme ses camarades, affirme qu'ils n'en ont pas peur parce qu'ils sont bien outillés. Encore plus, ils ont terminé tous les programmes des cours faisant objet de ce concours. Selon Vincent Nkurunziza, l'un des enseignants à cette même école, continuer leur travail même pendant les jours fériés, c'est l'une des raisons principales pour avoir parcouru tous les programmes des cours dans cette classe à test. À la question de savoir si certains parents ne sont pas obstacles des élèves à la minutieuse préparation arrivée à la maison, l'un des parents dont l'élève passe au concours en cette année scolaire en cours nous a fait savoir qu'il lui facilite plutôt la tâche en lui fournissant tout ce dont il peut avoir besoin pour cet enfant, non plus lui donner des travaux ménagers. Cette étape satisfaisante des préparatifs au concours national est également partagée avec le chargé de l'éducation dans cette province, qui déplore toutefois que les programmes de certains cours comme mathématiques, sciences et technologies n'aient pas encore été terminés aux quelques écoles pour certaines causes, lesquelles causes remédiées par les directeurs aussitôt constatées. Cette province est classée 8e l'année précédente, compte cette année-ci 5796 candidats à ce concours national. Jérôme Akizemal depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci Jérôme. Les consommateurs des produits fabriqués à partir de la farine de blé se lamentent que ces produits sont de très petite taille et qu'ils ne l'étaient il y a un mois. Les fabricants du pain ou des beignets parlent d'une hausse du prix appliqué à un sac de farine, une hausse allant jusqu'à 10 000 francs burundais par sac. Les grossistes de ce produit à Rumonge interrogés confirment cette hausse pour la farine produite par l'usine Azam. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Misako. Les consommateurs de pain et de beignets dans la ville de Rumonge se lamentent que ces produits sont actuellement miniaturisés à tel point qu'un beignet par exemple ne peut plus calmer un petit enfant. Les fabricants de pain et de beignets reconnaissent la petite taille de ces produits. Ils expliquent que la farine de blé, base de la fabrication de ces produits, a vu son prix augmenter jusqu'à 10 000 francs burundais par sac de 25 kg. Ces fabricants disent qu'ils sont obligés de jouer sur les dimensions de ces produits pour ne pas travailler à perte. Certains parmi les grossistes de farine à Rumonge interrogés disent que parmi les farines fabriquées au Burundi, telles Azam, Farisana, Ngoma et Azania, seules la farine Azam a été revue à la hausse et ces grossistes disent être obligés de se conformer aux nouveaux tarifs. Ils indiquent que la farine Azam qui leur était livrée auparavant à 41 000 francs burundais, le sac de 25 kg pour être revendu à 42 000 francs burundais, ils l'obtiennent actuellement à 51 000 francs burundais et la revendent à 52 000 francs burundais. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Les Nations Unies ont prolongé vendredi 29 mai d'un an l'embargo sur les armes au Soudan du Sud. Cette mesure votée pour la première fois en juillet 2018 est étendue jusqu'au 31 mai 2021. Son application sera examinée mi-décembre. Les pays de la région ont plusieurs fois été accusés de violer la résolution du Conseil de sécurité. Les experts de l'ONU ont estimé qu'à au moins 3 reprises, le Soudan avait livré des armes à son voisin du Sud en 2019. L'Ouganda a fait la même chose avec de l'équipement militaire acheté en Bulgarie, Roumanie et Slovaquie. Enfin, tout le monde sait que les belligérants ont recours à la contrebande, mais l'embargo contraint au moins des marchands d'armes officiels à éviter le pays. L'embargo a certainement des failles, mais sans lui, la situation serait bien pire. La coalition pour la gouvernance des entreprises publiques du secteur extractif en RDC, COGEP, se félicite de constater que le gouvernement congolais se penche sur la vente des actifs des entreprises publiques. La semaine dernière, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé avoir reçu des dénonciations sur des cas de fraude ou de sous-évaluation à l'occasion des ventes des actifs de la GECAMINE. La COGEP épingle 11 transactions effectuées entre 2010 et 2018. Dont le coût s'élèverait à 1,3 milliard de dollars, des accusations que cette société d'État a plusieurs fois rejetées. Un trafiquant d'êtres humains a été tué dans un centre de rétention illégale de migrants dans la ville de Misda, située à plus de 150 km au sud-ouest de Tripoli, en Libye, près de Zintane. La famille de ce trafiquant et ses partisans se sont vengés en abattant plus d'une trentaine de migrants venant en majorité du Bangladesh. Les faits ont eu lieu mercredi 27 mai vers 23h. Selon des témoignages, c'est un désaccord qui a eu lieu entre le trafiquant et les migrants au moment de leur embarcation. Et un couvre-feu a été décrété vendredi 29 mai à Minneapolis, aux États-Unis, où le policier impliqué dans la mort de George Floyd, cet Américain noir dont le décès a ravivé les plaies raciales des États-Unis, a été arrêté et inculpé d'homicide involontaire après plusieurs jours d'émeutes. Le calme semble revenu, mais la mobilisation contre le racisme restait forte et des manifestations ont eu lieu dans tout le pays. États-Unis, toujours Donald Trump a mis à exécution les menaces qu'il brandit depuis plusieurs jours en annonçant de nouvelles sanctions contre la Chine, l'accusant une nouvelle fois d'être responsable des milliers de morts du Covid-19. Il annonce également la révocation du statut spécial de Hong Kong auprès des États-Unis après l'adoption par Pékin de la loi controversée sur la sécurité nationale, un texte qui permet notamment le retour des organes de sécurité chinois dans l'ancienne colonie britannique et qui pour beaucoup est une menace pour les libertés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco d'Ouimana. Restez branchés sur nos ondes. Tout de suite, vous allez suivre la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'endroit d'où vous nous écoutez. Acculé, la CENI peine à convaincre, écrit le journal Iwachu en une de sa parution de ce vendredi, évoquant des résultats provisoires loin de faire l'unanimité. En effet, rappelle ce journal, lundi 25 mai, la CENI a procédé à la proclamation des résultats provisoires du triple scrutin du 20 mai qui ont consacré une large victoire au parti CNDD-FDD. Cependant, fait remarquer cet hebdomadaire, des partis politiques, autant que certains observateurs, dénoncent un processus électoral entaché de nombreuses irrégularités. Notre confrère note aussi en page intérieure la déclaration très prudente des diplomates accrédités à Bujumbura qui, dans un communiqué publié ce 27 mai 2020, ont dit prendre acte de ces résultats provisoires tout en demandant aux acteurs nationaux d'éviter toute violence. Un expert en relations internationales interrogé par Iwachu a fait remarquer que c'est un texte de compromis entre des pays aux conceptions diplomatiques parfois assez divergentes. Pour lui, l'appel vient d'une large palette de diplomates africains, américains, chinois et européens. Difficile de faire plus avec un groupe comme ça. Dans ce contexte, c'est déjà beaucoup. L'expert a attiré l'attention sur le fait qu'en diplomatie, la pertinence d'un élément est rendue par son absence, rapporte cet hebdomadaire, et d'expliquer qu'il faut lire entre les lignes en faisant remarquer par exemple que nulle part le vainqueur n'est félicité, mais plutôt le peuple burundais. Les diplomates insistent en outre sur une résolution pacifique des différends électoraux. En diplomatie, cela dit beaucoup, a souligné l'expert dans les colonnes du journal Iwachu. Et la voix de l'enseignant écrit que les enseignants ont des attentes des nouvelles autorités élues. En priorité, ils attendent l'aboutissement de la politique salariale commencée depuis 2012, dont les effets immédiats sont attendus avec la fin du mois de juillet. Les enseignants fustigent aussi les prestations des institutions de protection et de sécurité sociale, notamment la mutuelle de la fonction publique et l'ONPR. dans la première institution, il s'insurge contre le manque de médicaments et l'application des suppléments dans les pharmacies privées, le manque de médecins traitants et surtout de médecins spécialistes dans les hôpitaux, surtout les hôpitaux de l'intérieur du pays. Les enseignants redéployés qui demandent aussi la réhabilitation dans leurs droits. Est-ce que les futures autorités du pays auront-ils des oreilles pour les entendre ? S'interroge cet hebdomadaire de l'éducation qui craint que les attentes risquent d'être longues. Revue de la presse. L'Agence burundaise de presse rapporte la saisie la nuit du 27 au 28 mai de 236 pagnes en provenance de la République démocratique du Congo par les militaires burundais en patrouille le long de la rivière Rusizi sur la colline Marambo 2 de la commune Rugombo en province Cibitoke. Les porteurs de cette fraude auraient entendu les bruits des bottines militaires et jeté leurs colis pour réussir à prendre le large, précise ce journal, qui signale que de telles saisies deviennent le lot quotidien des forces de l'ordre qui les remettent chaque semaine à l'Office burundais des recettes, OBR. Des marchés sans affluence, titre Burundi Echo dans son éditorial évoquant ce paradoxe où des commerçants ont dû fermer boutique faute de clients. En effet, explique notre confrère, dans d'autres régions, les opérateurs économiques réclament la construction des marchés modernes, alors qu'en mairie de Bujumbura, les marchés sont moribonds, malgré leur récente réhabilitation qui avait été financée par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros, soit 9,6 milliards de francs bou, taux de change officiel. Il s'agit d'un projet qui a été initié pour atténuer les conséquences de l'incendie qui a calciné le marché central de Bujumbura en janvier 2013. 2 ans après la réception définitive de ces marchés, ces derniers connaissent des moments sombres, regrette Burundi Echo. L'éditorialiste de ce journal spécialisé dans les questions socio-économiques donne certaines raisons à cette situation. D'une part, les stands ont été morcelés pour maximiser les recettes municipales. Par conséquent, la plupart d'entre eux ne dépassent pas une superficie d'un mètre carré. Dans ces conditions, il est difficile, voire impossible, d'y exercer les activités commerciales. L'autre facteur qui entre en jeu, selon ce confrère, c'est la crise économique que traverse notre pays. Les consommateurs adaptent les achats en fonction des besoins et des revenus. Il retarde les achats de certains articles comme les articles de luxe, les habits, les chaussures, etc. La préoccupation majeure est d'avoir de quoi mettre sous la dent, écrit Burundi Echo. La satisfaction des autres besoins est secondaire, ce qui justifie en partie la faible affluence au niveau des grands marchés de la capitale économique, explique toujours Burundi Echo. Et c'est la fin de cette revue de presse présentée par Francine Ndiokubgayo et Jean Bosco Douimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.